Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. Enter Brezonnek, Kentel, Père Han, Roer, à Père Huguen, Eri, 486. 486, oui. Ça va bien? Oui, oui, ma traîne, ce que tu glaimes. Un mot pour commencer, comme d'habitude, ouais. Gario Arvue. Gario Arvue. Donc aujourd'hui, je pensais parler du mot roast. Ça fait penser à ton roast, hein, alors j'ai expliqué un peu pourquoi. Alors c'est un nom masculin, et c'est aussi un adjectif. Qui veut dire rôti. Hein. D'ailleurs, ça vient de l'ancien français, hein. Rôti. Le S est resté en breton et c'est remplacé par un chapeau chinois en français. D'accord. Un accent circonflexe. Et c'est un vieux mot qui vient du francique, la langue germanique des Francs, et qui était passé en français, et donc qui apparaît passé en breton. Quoi. Rôti. Donc, c'est un mot donc qu'on trouve également en gallois, hein, sous une forme très proche. Et donc, ce qui m'a fait penser à ça, c'est que il y a une chanson qui est « Ton Rost » qui avait été composée par Pierre Le Tertre, qui était un mendiant de l'Henri Vin et qui allait comme ça dans les... C'était un intermittent du spectacle, en fait. Il est né vers 1787 et il a vécu très vieux. Il a chanté jusqu'à la guerre 70. Et donc, il avait composé cet air du rôti, cette chanson du rôti sur un air du pays gallo, qui s'appelle La Petite Jeannette. Hein. La la la la la la la la la la la la la la la la la Chilaweta, tu te causas, tu dis, wanger, gana, wenzo, bezavet. Vidin, ori, ormain, ze, mesker, et wellan. Comme ze, ram, de, ze, rost, zo, ton, warendol. Et rue, rost, et rue, rost, et rue, rost, warendol. Tenet, so, codel, au, compte, le finalem. A, trois, red, bebe, dam, dar, oui, ado, y, tron. Et j'avais une tante, donc ma tante Maïlouise, qui chantait ça. On célébrait l'arrivée de la viande sur la table. On célébrait l'arrivée de la viande sur la table. Et c'était le centre du repas, le rôti, quoi. C'était le meilleur... hein, la chanson dit plus loin... « Rosté gueland mazezo, pévé wanda au beurre frico, a pévé lac gant en haut houcha de bateau, nahan ne vais plus jamais du remesque vrai ton neut. » Le rôti, alors ça venait après les entrées, la soupe, la langue de bœuf, hein, en un seul mot en breton, langue de bœuf, hein, et puis après le rôti, quoi, hein, voilà, et qui était vraiment le centre du repas. Alors on disait aussi que bon c'était quelque chose d'assez rare puisque c'est de la viande douce, hein, donc la plupart du temps on mangeait la viande salée pour la conserver. C'était pas Kixal. C'était pas du Kixal, hein, donc c'était de la quiche douce, hein, donc ce qui était assez peu fréquent, hein, bien sûr, dans la nourriture quotidienne des Bretons de l'époque. Hein. Donc c'était une bête qu'on venait de tuer spécialement pour un mariage. Oui, qu'on tuait spécialement pour le mariage, quoi. Alors ça pouvait être du porc ou bien de la viande quiche bévine, hein, de la viande bovine. Hein. C'était l'un des deux, mais c'était vraiment le centre du repas. Alors, le mot roast, donc comme je l'ai dit, hein, c'est à la fois un nom et un adjectif, et puis il y a un verbe dont rostant, hein, donc rostant qui veut dire rôtir. Hein. Pato rostet aussi. Pato rostet, ben justement, le participe passé, c'est rostet, hein, donc pato rostet, barra rostet, kistine rostet, hein. Tout ce qui se grille, c'est-à-dire qui se prépare sans eau, qui se cuit sans eau. Alors, les pâtes au rost, c'est avec du kixal, avec du lard. Hein. Et c'est un mets absolument succulent quand c'est bien fait. Ah ben ouais. Hein. Il faut la gamelle qui va avec. Il faut la gamelle, tout ça, et puis le tour de main un petit peu, quoi. Roster aussi, celui qui fait ça, quoi. Hein. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, quelques mots dérivés aussi. Rostaden, hein. Rostaden, c'est le fait, l'acte de rôtir, hein. Et il y a Rostadur aussi, hein. Quand il y en a un en Aden, en général, il y en a un en Adur, hein. Adur, étant toujours masculin, hein. Sauf Plijadur, hein. Alors, Plijadur, hein. Or, Nabaden, hein. Voilà. Rosté raisin, c'est la rôtissoire, hein, ou la rôtisserie, quoi. Hein. Soit l'appareil ou l'endroit où on trouve des choses rôties comme ça, quoi. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du rost, hein, et on ne peut qu'engager les gens à consommer. Dans la chanson, justement, il conseille de consommer sans modération, parce que c'est pas souvent qu'ils avaient de la viande douce sur la table. Et je suis grand rost. Bon, et on passe à la seconde partie, Brezhoneg tamba tamba. Passe à Brezhoneg tamba tamba avec Henri Le Naou. Henri, un petit dialogue dans Brezhoneg tamba tamba où Chandik, la fille de la radio, Plara Radio, va à la rencontre du recteur de Zantoluk, c'est ça ? Voilà, Iwan Ndu, hein, qu'on connaît bien depuis longtemps. Le recteur, c'est le curé. Oui, c'est ça, oui, le recteur. Oui. Mais lui, ça fait longtemps qu'il est là et il va certainement finir sa carrière à Zantoluk. Mmh. Alors là, il parle de la période de Noël. C'est d'actualité. Salut d'autres personnes. Penosement compte. Matri, Chanik, matri. L'arrête d'Inta autres personnes. T'os tombe vraiment de Nedelec. Ya, t'os t'adora. Petra vaugret blamant, bas Zantoluk et vide Nedelec. Vraiment, bas Zantoluk et vel, qu'ils accustument vaugret de Père Warnugen, vaugret de Noverne Nedelec. Trop en tournos. Oh, ya, mais vraiment, veget abré, t'en révèle juste, de Heiser de Nons, de Heiser Antor, Pélarin Mat, Vaugret. Ah, ge Brezhoneg? Ah, ya, calze dut vo Brezhoneg, das koer vo kan de Ope Besburs u de Veland. Ope Besburs u de Veland, pi tant man oise Vaugret, vo kan Petrouz war en douar. Petrouz war en douar, Petrouz glev an mi. Hag bon brezegen vo gret gandin, zermon ma peswant vo gret gandin, brezhoneg. Hag videchu vo kane de Gloria, Gloria nedeleg, hein, pewe gane Jésus an zalver. Pewe gane Jésus an zalver, be vous be klez de zi. Hag pewe echu un auvergne vo kinig de bon ar guintom de tout un dut. Et au bon ardu rosen matrezen, vite dernier. Ah, fais nous voir l'air. Ah, ya, ou l'air, gevredi ges bleu en tôle, ra on tombe fais nous, ou l'air en averne, dis, sur fais nous digoust. Plija dur va zantolek, vel qui s'accustume. Ya, plija dur va zantolek, dermot. Bon, on va reprendre phrase à phrase ce dialogue. J'ai pas l'impression qu'Henri et moi, on a tout à fait le même texte, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la photocopieuse qui fait des siennes. Une photocopieuse artisanale, oui. Mais oui. C'est étonnant. Salut, autre personne. Pénance-moi compte. Oui, bonjour, monsieur le recteur. Hein, autre personne, comment ça va? Matré, Chanique, Matré. Oui, très bien, Chanique, très bien. L'arrêt d'Inta, autre personne. T'oses-t-on vraiment donner des lecs? Oui, dites-moi, monsieur le recteur, nous sommes bientôt à Noël. Ya, t'oses t'adora. Oui, ça approche. À Petra Vaugrette, Blamant, Bazan de Tolèque, Vidné Délec. Voilà. Et qu'est-ce qui sera fait cette année, hein? C'est une forme passive. À Zantol pour Nédélec, pour Noël, bien sûr. Velkis a custume Vaugrette da Pervette Barnugen Auvergne, Nédélec. Oui, bah, comme d'habitude, Velkis a custume Vaugrette, on fera. Le 24, il y aura donc la messe de Noël. Trop en tournos? Vers minuit, hein, puis c'était la messe de minuit. Oh non, vraiment, Vaugrette Bredor, vous êtes juste. Non, vraiment, Vaugrette Bredor. Hein. Maintenant, on fait plutôt hein, à 8h30, d'Aizer Hunter. Aizer Hunter de Nos. Aguez Brezonek, demande Chanik. Et ce sera en breton? Ya, Calzedra, Vaugrette Brezonek. Oui, on fera beaucoup de choses en breton, par exemple les cantiques. Ranticou de Gentan. Oui, Ranticou de Gentan. Quand on est de veau, alors on chantera, bon, alors il cite et il chantonne un peu ce qui va être chanté. Au Pébus Burzu de Weyland, hein, un cantique, un classique de Noël. Ça veut dire quoi, ça? Quel miracle je vois, hein, c'est l'arrivée à la crèche, là. À Petrus Warendouar. Petrus Warendouar, hein, quel bruit sur la terre. Hager, serment de Vaugrette Grandine, et Brezonek. Et je ferai le serment en breton. À Evitu, et chuez vos cornec Gloria Nedelec. Peut-être Gandhi et Jésus en salver. Oui, et pour terminer, on chantera le Gloria de Noël, un peu Gandhi et Jésus en salver. Quand est né Jésus, notre Sauveur. C'est le Gloria qu'on a. Quand j'étais plus jeune, on dansait la marche des anges là-dessus. La la la la la la la la leno. Je sais pas ce que c'est la marche des anges, Henri. La la la la la. On dansait ça en marche, ouais, comme ça, dans les balles popues, quoi. Ouais, dans les balles? Dans les balles, oui. Oui, ça a eu son heure de gloire. Je sais pas, dans les discos d'aujourd'hui, ça n'aurait plus existé. Non. C'est plus des discos maintenant, on dit quoi? Du clubbing. Mais enfin, je t'expliquerai. Moi, je viens d'apprendre, donc. À Pauvo Échu, en Auvergne, Véguiniguet de Pépin, Herbonard Guin, Tom, P. Herbonard. Dourazen. Alors, oui, Pauvo Échu, en Auvergne, et quand la messe sera finie, on offrira à chacun un coup de vin chaud ou bien un coup de tisane, hein, d'ourazen. Hein. De l'eau d'âne. De l'eau d'âne, oui. Pas de la pisse d'âne, mais de l'eau d'âne. À Fesnos, voir l'air. Pas d'alcool, mais dans le vin chaud, il n'y a plus beaucoup d'alcool, puisque l'alcool s'évapore le premier, mais il y en a quand même qui n'en veulent pas. Quoi, hein. Voilà. À Fesnos, voir l'air. Ils font de l'église. Hein, ils font ça dans l'église, le vin chaud. Sans façon. À Zantolek, il y a le droit. À Zantolek, il y a le droit, oui. Voilà. On va faire un tour, alors. À Fesnos, voir l'air, demande Jean-Nic. Voilà, et après, le Fesnos. Ya. Arguez-vous, bleu news en Tolèque, à Rantam, Fesnos, voir l'air en Auvergne. À Fesnos, 10 goustes. Voilà, oui, donc l'association bleu news en Tolèque, les fleurs des Antolèques, donc on connaît bien, hein, c'est l'association de Job Nédélègue, là, et fait un petit Fesnos, à Fesnos, 10 goustes gratuits, quoi, hein, après la messe. Puis les gens s'en aillent pas tout de suite. Plija dur, Bazan de Tolèque, Velguise à custume, oui, demande Jean-Luc. Oui, du plaisir, de la joie à Saint-Tolèque, comme d'habitude. Ah, ya. À Nédélec, Lawen d'Apépéini. Et puis, joyeux Noël à tout le monde. Ben, on en reste là? Ben voilà. Gedbe Montam Tro, Bazan de Tolèque. Troisième et dernière partie de Hent ar Brezhoneg, c'est Petra Zonevervro. Eri, Petra Zonevervro. Ben, kalz dro e vel just, vej me eguir ar, kalz dro ober vej diouzan. Krogom de diantan e vel kiz a custum gant la bourdouar hag ar vu e war ar mez. Kazi echu e bremañ an diskar amzer, me bet a bremañ e bet douzen amzer. Gwelet ver c'hoaz bleunio balioz ou gwelaret amez o rose da balioz, hein, pez vek gwelet alis. Hag bon, dis ve gwelet ma trezen te yin or ban ur vech peneken, me bet a bremañ e bet douzen amzer. D'un da war nugen mizman vo gwan, pudur me mestra hem ba gwan, hag bon, ma trezen yin o an amzer, me de ma had vo un tan amzer skorn, me stra blan ma c'hoaz. Ba amzer ne delek, ve prenet ba pepti, ve lak ba pepti, pe kaizi ba pepti, ur ven ne delek. Ur ven sapin kazi der mat, de la rade ur ven a chom a glas par de gwan, hag implijet ve bep sordouen vid ur se, ur pin kroaz da skouer, ur pin kroaz e nepisea, ez vi jay an implijet kaed er mat, a bremañ ve kav ve douen ouel vel Norman, vir un Norman vir un delio pelar, hag bon, dis ve gwelet de bep sordouen ve implijet d'ober se. Hendel, blaso ve implijet d'or ven plastik, a him chon va glas pa de bla, hag gervijet de sur bla de nel. An me ve implijet d'or ur ven mestra, ur ven sapin guir, hein, neket o nant plastik. Vi pez a zel deus ur goe beo, hein, de goe ven meus laratar pin kroaz petam an Norman, ya. Ve produ e kalz da se a breiz, hein. Ka e, ya, kalz ta deus breiz, hein, pe dur an meus o dou ar mat vid se, dou ar skan, a dou ar c'hwer an tamm, hag un amzor zo mat vid se, a se tu ba kalz o blas o vegret, bremañ, a ven kaset an tamm e pebler ba bro Franz, a se zo deud de voud un dra e bouez vid ekonomi e zevro. Vel meus lar ad ar vegel, ur bla daou vil pemse, gezo be val tre, vid de la bourdouar, un kouls vel vid de mort, vel vid de lez, hag e vil don lon de kik, ka e war tout un traoù ya val, hag a spi meus vo gwell ar un traoù vid de la bourdouar, ba nam zor de zon, ka la bourdouar me mesra e sichen en ekonomi e ze breiz. War da chen un endro, bon, neus ke gwall belzo, zo be ba pariz, hob o nan war nugen, hag benefin zo bet o nem gleu, tre tout de broi o a ezan, ma sen peus gwell en trao fabius gant e morzel skei war en dol, vi la oa deud en trao mat, mat noir an ket ka bon de kalz trao, de skalz trao neus ke bekontet ba hob o nan war nugen da skwer neus ke bekontet de ze hirinich, Zizo leuste de goste, hag velar de vo kreske de un transport chou gant de hirini, hag o skoud e vid se o daou bopet zizo valput, hag neus ke bekomze de se. Neus ke bekomze tan be muor deus un energi ez ve long ket gant l'an internet, dior de zizo un energi ez bouiz, ve long ket gant internet, a neus ket kalz a chifre o warze, puis dior zez on dra, on tabou vel velar de ze, on dra neus ket droit de gomp de ze, quoi. Puis dior evel just un internet, un amerikan net zo bapen un affers, hag zez o koz vek gomp de ze. Se tu bon zo kalz dra oa zo leus ket me mestra, ban da oa lijen, hag mon red ve febin matrezen diazne bas klerijen an tamm. Mais dis ce manquant. Bon, n'est que rival me strasse au bid en emglev, ba Copenhague, ou que bid emglev, bid, bon, ma seulement un trou me strasse, hond de waro, gwelet vous. Warda chineur politikeres, evel just, mon bid de vota dégou, un eidro, hag bon, ne ce que d'aide, randvro, e bid gander frontiste, de vevela, plus dur bon d'une de nos arves et d'une de tes hag bon ba bro Corsica m'aide m'aide quand Ricardo bro puis voit que de bon ne ce que becomes the calls de c'est agusco des andra bruise hein. Plusieurs riz au tiven au bro à tiven au yes aux événadur à ces aux causes mon pelguela rentra et envie de lies à gaz événadur vie de braise en me puis durant me bon on me ne ce que calls de dut au tiven riez bénéfine bonne ba on te comme de si on temps il y a un braise en mon aide un mot une grande grande le trion de the bell hein à bon Quand je dis que je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de liste de Noël, avec une trois decks et une René Loy. Un triomphe, je suis un peu plus de leur vote à dégo. Quand même, je liste juste avec le vide de trop de temps. Puis je n'ai que trim, je suis un peu plus démocrate. Mais bon, à jugement, je suis un peu plus de temps. Puis ça arrive ou bah ou bien tramine d'art ag velarenda vigel avec quel de Jacobine pv Cambali mais pvzel de the listen zo calz Jacobine de en avant mal bars un ne peu de rue zo capte de Ivan Brise de Gervro bénéfice bon mameuserie zo war plateau yo télé vous quel mameus présent des guerres yon velkis à costume zo pvetap de pemperware vous quel mameuserie ag de ze réel zo cab calz à war on qu'une abu na bas de ze vena du brise quoi bon mais bon quel de vous puis ça mode vous qu'on a redit le ce que n'est dans l'arbre bon c'est tu as vite politique et Juan moi de l'art roi son drambenet que plus dur comme se devait calze russe au plus dur vie de les le nôtre calze russe en marément comme moi des murs doit être babro pont d'iazo casemont babro loudiac vraiment change de la valère bonne bah strolat paris ou calag zone tombe j'ai blé plus dur Dernes au casement de Garès, bah, pour communauté, dernels au casement de Vengam, vel, bulad, ma personne, zo, trop, sa Gwengam, quoi. Rank, pis sa mode, vos comptes. Bonne, préfèneuse, kinig de, stargan, strolat, kalak, de CCKB, quoi, mais de ce que calze barouge, oiseau du, de ce que mes purus, la très mal, gade, bénéfine. Bon, rank, pis sa mode, vos comptes. Bon, alors végé le grand tendard de vite change un temps à mon doigt d'acheter nos événements. Mais ce qu'on me tarde des heures d'adoc vos grades baffines misables, ag des au tient en mise mais ag tramenrei de seis il y a de seis heures vise mais drame au bas rostren très très au de rente à 10 heures de ce beurre. Grâce à pour Juan Dontevel, Morgan. Bred. Mais après, il te dit oui, Zed. Ya. Bon. Hendel, Orgevridig, SBCD, Bretagne Culture Diversité. Zo Hontober, Orinab, de Warerglad, dit Dantwesel. Brace, le patrimoine immatériel. Ag, patrimoine culturel immatériel. Ag Nandi Bob de Krog Iola Bourgand Crazy Brace. Ma treize ne peut se bégouer les ailes. Ag bon vos Renab tout pesso de zor glazé. Warayé, zor brezon, neger Gornoué, nous, un danse, zor fechounons, bon tout notre trouse. Ag puroir vos, RKB, nafer, peut dur, RKB zo calz, diel ou bénéfine. Trop zobé de enroll de Pelzo, hein. C'est pas une très grande l'assaut. Bon. A gwell et vaut n'a rien de sa mode, vos con. Hendel, wardash et nos événats du roi, zo lever zobé d'imbande de nevesso, gan, tu de zevro, hein, vel Pierre Ledoux, as, war nabati, bon repos. Brezon, n'a que vel bon arrêt cuyem. Discuse-moi, diable. Moi, Cleven, moi, Bélard, Gogel Gauss, puis Wen Yawang, présent le Vélard, Bonard et Cuyem, quoi. Moi, quand vas-y, Fentus, quoi. Hag, bon, au lever, zo, im bandet gant, kayer ar poer, hein. Kayer, puis kayer ou ar poer. Bon, Hunter Kand Lasso, wa be déchu, de zé wa de neiz viz tierzu, wa be déchu, ur husul, pe ur honsil, ma peswan, Vatican dou. Hag, honsil zon eus chanj kalz drou, war dachen en ilis hag l'idée raz. Déjà, wa be dileusk de latin vid ober l'idée raz ba yez evro. Mais am eus evige bet de sans et d'or on tom zikour d'or brezon hag e hontrol zo bet pe dur benefin oa bet lak tout en trovan galak an eket un brezon hag tout de rantiko vige kand de bon zo bet de bout mez de zon ilis kasi pebler hag an se vid hansil benefin oa sans de rei on tom tol zikour d'or brezon hag an eus ke gret hontre le bet. A se zo dommage tri. Hendel, ma trez un peus gwellet zo Jean-Paul Roland a gomper dan zo labourad war o DVD war parous bulat. Hag DVD ze teimez hag ar zo vo krom zo deus zo gwellet ilis bulad, pardon bulad, zant eus an an radeneg, bon, man ur bodilio a tout de douz ur glad zo ba bulat. Bon, ben, car à din, meusgrèd, on tombe trop de spéso neve et bavro, hag benevegel vos gréhoas. Kenavo, Eric. Ya, tiens, en vegel, n'a dit que Marie-Laure et Morgane. Keno.